freestyle habiteur. À travers mes larmes, à travers vos larmes, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. À travers mes larmes, c'est mon cœur qui parle, mon âme qui s'évade. Trop de tracas, tous qui n'arrivent pas. Plus j'en parle et plus j'ai mal, ça va mal quand le passé me traque. À force de remuer le couteau dans la plaie, mon cœur n'essaie jamais de saigner. Mes larmes et mes joies se combattent au fond de moi. Un véritable champ de bataille, j'ai la rage, j'en ai marre de ce putain de gage. C'est de ça qu'il faut que je dégage. Donc aujourd'hui, je m'engage à viser la victoire. Plus jamais je me plaindrai sur des putains de fugilités. Je vis sous un toit, matin, midi et soir. Je suis pas malade, ni dans un lit d'hôpital. Le daron et la maman sont là, ma petite mi-fa. Je chante du rap et même je tape, je gagne un peu de maille. Du sport acrobatique, j'en pratique talent multiple. Avec une des dents, j'en décris les rêves à porte. Et demain, avec la rage, je devins qu'aucune raison de me plaindre. Mon but, je compte bien l'atteindre. Même si je suis tombé, je me suis relevé. Mieux, je me suis envolé. J'ai la haine dans ma tête, sans cesse ce stress sur le sas. Impression de vivre dans une impasse, envie de meurtre. Y'a des jours où je meurs. Et d'autres où l'étincelle de la vie éternelle au fond de mon cœur se fait paraître. Tous dans la même mer, c'est la même. Et seul on se démerde. À quoi sert d'être si gentil si quand tu dis à une fille tu la kiffes, elle te lâche un sourire. Tu crois que c'est pour la vie, cette histoire il faut que je l'oublie. Marre de penser à ça, elle veut pas. J'espère qu'elle ne me regrettera pas. Autre chose, je veux pas, je m'en tape. J'en garde un putain de goût de âme. Missasia tombée du ciel avec ses putains de disquettes. Je t'aime et toute cette merde, ça m'a saoulé. Ma princesse, je la veux, c'est mon vœu, c'est merveilleux. Je l'aurai, car sans fin j'y croirai. Une pure, une vraie qui me dira que la vérité. Je m'emballe de tout ce qui pense mal de moi. En solitaire, je continue à faire la guerre. Vive, vigilant, paré, attiré, à tout niquer. Si je rappe, c'est pas pour plaire au monde, pour qu'il m'aime ou non. C'est ma passion que je vivrai à fond. Frappé par les insolations de la haine, pas besoin de consolation. Toute désolation et toutes ces déceptions, c'est juste des épreuves de plus. Un goût d'amertume, et pourtant je suis devenu plus rude face à la vie. Et tous ces imprévus, je me suis mis un putain de mur à travers mes larmes. Par de là le mal, je ne donnerai pas mon âme au diable. Au fond de moi, c'est une boule d'espoir, boule de nerf qui bouillonne à la fois fou et romantique. Ce sable n'est pourtant si timide, trop jeune pour mourir, c'est que pour réussir. Mais je n'abandonnerai pas, je réaliserai tous mes rêves. D'autres y parviennent, alors pourquoi pas moi? Sur les routes de la victoire. Parfois sur mon visage, mon doux sourire s'efface. Mais je n'abandonnerai pas. À travers vos larmes, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Allez chercher au plus profond de vous cette source. Servez-vous de l'amour. À travers vos larmes, arbiteur. À travers mes larmes, je ne baisserai jamais les bras. Si.